change une vie où il n'y a plus de loi, où il n'y a plus de roi. Je veux être le prince de la vie. Hey, je suis au volant dans ma caisse. Au feu rouge, je me demande une pièce. Paris connaît aussi la S. J'ai quelques trucs à régler dans la ville. J'ai phare contrôle et je repars. Pourtant, j'avais de la S. Et je vois des paires de fesses. Sur le trottoir, je te raconte pas les histoires des mestres. Quand t'as une dette, Paris n'est plus gigantesque. Donc marche avec un truc dans la veste. Les embrouilles de schnack dans le bus de nuit. Le soir, y'a de l'action, donc jamais je m'ennuie. Je vais chez l'épicier, je viens me prendre un flash. Le soir au checker, ça peut vite partir en clash. La musique est sombre, le négro vient du fond. La musique est sombre, le blanco vient du fond. On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris légère et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée. Prince de la ville, on va tout faire pour devenir les princes de la ville. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la ville. On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris légère et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée. 3h du mat, tu dans les petites gâteries. Bonbon sur bonbon, aujourd'hui c'est Halloween. J'ai pas attendu le côté obscur pour avoir le flow de Anakin. J'suis défoncé toute l'année. À ce qui paraît, y'en a qui attendent le nouvel an. En vérité, abandonner n'est pas dans le vocabulaire. Déjà que tenter n'est pas suffisant. J'marche dans la ville, bonne et la 8. Quand il s'agit de mes billets, bébé, y'a pas de sentiment. Tête, mes rétines, mes cicatrices. Comme le corps à Dolcim, mes histoires en disent long. Hier et aujourd'hui se ressemblent, mais demain sera sûrement différent. Les erreurs font grandir, j'ai un cœur de géant. La musique est sombre, le négro vient du fond. La musique est sombre, le blanco vient du fond. On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris légère et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée. Prince de la ville, on va tout faire pour devenir les princes de la ville. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la ville. On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris légère et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée. La nuit dans Paris Sud, je pense en grand. Sais-tu ce que ça coûte de vivre quand les gens s'endorment? À travers la vitre, je vois les feux ensanglants et les gouttes de pluie. Et je pense, rien ne peut m'arriver, j'ai le cœur ensommeillé. Cette nuit, j'ai mal rêvé, la douleur m'a réveillé. Faire le pont de la Concorde et revenir à pied. T'aimais au-delà de ton corps, yeah. Penses-tu qu'un jour on ira mieux? Je rêvais d'avenir à Dieu. Vu qu'on pensait finir à deux, mais tire un trait, t'as tout raté. T'inquiète avant de dire adieu, j'ai des prières à dire adieu. Je me tairai une fois enterré, mais la terre est irradiée. À noir, tout au fond de ma vie. Bienvenue dans la ville où les témoins n'ont jamais rien vu. J'ai fait tapiner ma Marie dans tout Paris Sud. Y'a mes empreintes sur pas mal de ses murs et mon alien sur pas mal de ses queues. J'suis sorti de la maison sans dire au revoir à maman et j'suis pas rentré de la semaine. J'ai perdu le sommet, juste mes semelles sur la route qui mène au sommet. La voix sans les idées HLM, flow et sale, Yari la flûte de la scène. Rêve de briller comme Paris la nuit, en splivant tes lèvres, j'suis le prince de la vie. Paris Sud la nuit, on est les princes de la vie. On est les princes de la vie. MZ, yeah. On est les princes de la vie. Sensu, escrew, boy. On est les princes de la vie. La musique est sombre, le négro vient du fond. La musique est sombre, le blanco vient du fond. On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris légère et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée. Prince de la vie. On va tout faire pour devenir les princes de la ville. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la ville. On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris légère et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée. Je viens d'une vie où il n'y a plus de loi, où il n'y a plus de roi. Je veux être le prince de la ville.